Sholem Aleichem, histoire de chaos. Note du traducteur. Lorsqu'éclate la guerre de 14-18, qu'on appellera bientôt la Grande Guerre, Sholem Aleichem, citoyen russe, se trouve à Berlin avec quelques amis. Il parvient à grand-peine à gagner le Danemark, un pays neutre. À Copenhague, il trouve une foule de réfugiés juifs d'Europe centrale et orientale, et parmi eux, les membres de sa propre famille. Ils arrivent à monter sur un bateau en partance pour les États-Unis, et pendant la traversée, l'écrivain se lie avec toutes sortes d'exilés, dont il recueillera les malheurs. Le cycle des histoires de chaos comporte les 14 récits de Jacob Jonever, un pour chacun des jours de la traversée. Ce réfugié juif polonais raconte à sa façon les atrocités de la Grande Guerre, qui n'en est encore qu'à ses débuts. À travers la narration des affres qui frappent la petite communauté de Krushnik, Sholem Aleichem décrit en termes sobres et prenants la vie et la mort de ces gens pris en tenaille entre les Russes, les Allemands et les Polonais. La ville de Krushnik n'existe que dans l'imagination de l'auteur, mais l'histoire a certainement eu lieu dans une bonne centaine de villages de Pologne. Histoire vraie, racontée par un dénommé Jacob Jonever de Krushnik et recueillie par mes soins, mot pour mot, sur le bateau qui nous emmenait de Copenhague à New York. Histoire numéro 1 sur les flots. Eh bien, apparemment, vous aussi, Sholem Aleichem, vous y allez comme tout le monde. Jacob Jonever, de Krushnik, enchanté. Ce n'est pas que le malheur commun fasse le bonheur de la collectivité pour ça, non, au contraire. Pourquoi dirais-je le contraire? Non, mais quand même, cela réchauffe le cœur de penser que notre grand Sholem Aleichem, lui aussi, vogue avec nous, de simples immigrants, dans le même bateau vers ce pays-là. Une terre que Dieu a créée pour les Juifs, pour qu'ils puissent s'y réfugier de peur des catastrophes, des pogroms et des guerres. Vous savez quoi? J'ai du mal à croire qu'il y a encore sur terre en ces temps-ci un petit coin normal, où les gens ne sont pas assoiffés de sang et ne s'égorgent pas les uns les autres, comme chez nous, comme des poulets, comme des poissons frais ou comme des choux blancs. Qu'en pensez-vous? On y arrivera finalement à cette Amérique-là ou non? J'ignore comment vous vous en sortez là-haut en première classe, mais nous autres, ceux de la troisième, comme on dit, nous vomissons le lait de notre propre mère. Moi, à la place de Dieu, je leur offrirai un liseré noir pour les remercier d'avoir inventé tout ce qu'il faut pour percer les remparts les plus épais et les murailles d'acier, pour tout détruire et pour anéantir le monde entier. À votre avis, n'aurait-il pas mieux valu qu'ils trouvent un moyen de stabiliser le balancement des bateaux sur la mer, non? Non, ils préfèrent se casser la tête à fabriquer des machines de destruction, des obus de 42 et toutes sortes d'autres bombes, les unes qui nagent sous l'eau comme des anguilles et les autres, au contraire, qui arrivent d'en haut, de par-dessus les nuages. Et tout ça pour précipiter la fin du monde et pour supprimer ce qui reste de la tradition juive. Et le fait est qu'ils s'en prennent justement à nous, que la guerre c'est à cause de nous. Qu'il s'agit d'une guerre juive, vous comprenez, c'est l'évidence même. Autrement, alors pourquoi le Créateur aurait-il fait en sorte que justement ici, sur cette terre, ils aient décidé de se taper dessus, de s'entretuer, de s'égorger et de se verser mutuellement le sang? De quoi je parle? Prenez l'Allemand, par exemple. Lui, il a envie de s'offrir Lodz et Varsovie, justement. Et le Polonais, lui, il jette son dévolu sur Kroket et sur Lambrecht. Alors c'est pourtant bien simple, non? Ils n'ont qu'à faire échange. À quoi bon s'entrégorger, se battre, verser le sang? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? En quoi cela regarde-t-il Jacob Jonever et ses enfants? Si les Allemands vont gagner à Kidnevod, en Pologne, ou si les Polonais vont l'emporter à Pechvichek? On a l'impression que le monde se limite à la Pologne et à la Galicie. Vous allez me demander, et la Belgique? Je vous répondrai, et pourquoi Krushnik? Vous me regardez, hein, monsieur Sholem Aleichem, et vous vous demandez, comment ose-t-il comparer son Krushnik avec ma Belgique? Je vais vous le dire, Krushnik, c'est une petite bourgade, pas plus grande que Jonev. Et ces deux villages se trouvent dans le district de Lublin. Et si vous me demandez, mais où c'est votre Krushnik? C'est bien simple, à côté de Jonev. Et Jonev? Pas loin de Krushnik. Vous comprenez ou non? Krushnik et Jonev, c'est pour ainsi dire la même ville. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, ce sont deux villes différentes. Et en vrai, elles s'appellent Krasnik et Janov. Mais nous autres, Israélites, nous les appelons Krouchnik et Yonev. Et pourquoi ça? Pour rien. Vous comprenez ou non? Ça sonne plus juif, voyez-vous? Un goy, quand il doit dire Yanov, c'est toute une histoire. Yanov, comme s'il parlait dans un tonneau. Chez nous, c'est direct, Yonev, c'est tout. Donc moi, je suis de là-bas, enfin, de Yonev, et je suis Yonevois. Mais je mens un peu parce que je suis de Krouchnik. Alors chez nous, on m'appelle Jacob Yonever. Vous vous demandez pourquoi? D'abord, parce qu'il y a des tas de Jacob chez nous. Ensuite, parce que si vous le voulez ou non, je suis né à Yonev. Vous suivez? Bon, comme ça, maintenant, vous savez exactement qui je suis. Eh bien, vous vous trompez. Parce que pour savoir qui je suis, vous devez connaître tous mes ascendants. Eh bien cela, je ne vous le raconterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai horreur de me vanter moi-même. À quoi bon vous expliquer que mes ancêtres, c'était la crème de la crème? Tous des rabbins, des chantres, presque des justes. J'ai horreur de me vanter. Ça ne me plaît pas, ça. Mais supposons que vous fassiez un tour par chez nous, par curiosité, en Pologne, du côté de Lublin. Vous vous arrêteriez une seconde, par exemple, à Menderevitch, à Yonev, à Mazelbujitz, à Rachov, à Belgaraï, ou chez nous, à Krouchnik même. Vous demanderiez à n'importe quel gosse dans la rue, après Jacob Yonever, deux mots, pas plus, Jacob Yonever. Oh, alors vous sauriez tout. Mais enfin, allez crier dans la rue. Je suis le roi Salomon. Bon. Je ne vais pas vous raconter que mon père avait pignon sur rue, et mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi, et que moi-même j'avais de la fortune, jusqu'au jour de l'impôt noir, où tout s'est envolé en fumée. Mais à quoi bon? Comme on dit, il était beau, il était riche, il savait chanter. Tout ça, ça ne sert à rien, non? Vous avez devant vous un juif, qui émigre avec tous ses coreligionnaires, voilà tout. Ma femme, grâce à Dieu, je l'ai perdue. Trois enfants ont eu droit à un miracle divin. Le premier fils a été pendu, le second fusillé. Quant au gendre, on raconte qu'il a été tué du côté de Lemberg, mais d'autres prétendent qu'il a été fait prisonnier et qu'on ne sait pas ce que sont devenus ses ossements. Alors, ma fille a perdu la raison et ma femme, qui n'a pas pu supporter tout ça, elle a succombé avant son temps. Et me voilà obligé de vagabonder comme Caïn au seuil de la vieillesse. Parce que moi, en apparence, je n'ai rien d'un Hercule ou d'un Samson, n'est-ce pas? Mais la faucheuse se refuse à me récolter. Elle n'a pas prise sur moi, vous comprenez ou non? Parce que les trois mois que j'ai passés dans cette folie furieuse qu'ils appellent la guerre, n'importe qui d'autre que moi, ah là là! Tenez, écoutez un peu cette histoire. Non, deux ou trois histoires, vous allez voir. La sortie d'Égypte, c'est rien à côté. Un vrai conte des mille et une nuits. Vous verrez que c'est au-dessus des forces humaines, un vrai miracle. Bon, je vais vous raconter comment moi, avec notre rabbin, avec le rabbin en titre, et tous les sept notables de notre ville de Krouchnik, nous avons accueilli l'Allemand avec du pain et du sel. Et quand nous avons fixé de commun la question de la contributia, le Deutsch nous a mis des balais dans les mains et nous a ordonné de balayer les rues devant lui. Ça ne lui plaisait pas à l'Allemand. « Vous êtes tout crottés, vous autres », qu'il disait. « Vous et votre ville, toutes crottées. » Et puis un soir, la lune brillait. Nous nous sommes tous retrouvés au cimetière. Moi, Jacob Yonever, le rabbin en titre et les sept notables de la ville. Ils nous ont donné des pioches et des pelles et nous ont ordonné de creuser nos propres tombes. Chacun la sienne. Vous imaginez, chacun sa propre tombe et qu'on s'y couche tout vivant. J'en ai encore les larmes aux yeux. Vous nous auriez vus, moi, le rabbin en titre. On était gris comme de l'anthracite. Vous me regardez et vous vous dites « Ce juif-là, il se spécialise dans les histoires de bonnes femmes. » C'est vrai. Moi aussi, à votre place, j'aurais dit « Hé, compère, vous divaguez. Allez voir un médecin ou allez vous coucher. Et si je vous jure sur la Bible et les autres écrits saints que c'est la vérité vraie ? Sans compter que je vous parle d'ici d'une goutte dans l'océan. Pas un centième de ce que nous autres, à Krouchnik, à Yonev et tout autour, nous avons ramassé de la part des Polaques. Et puis aussi du tsar, après qu'il a mis l'Allemand dehors. Et comme vous savez, là où il passe, celui-là, il faut obligatoirement qu'il y ait un pogrom. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, ça non, notre bon tsar, qu'il vive de longues années avec ses nombreuses femmes. Mais le malheureux, c'est sa mauvaise chance à lui, là où il passe, un pogrom. En bref, j'espère que j'aurai le temps de vous raconter jusqu'à New York. Vous, monsieur Sholem Aleichem, vous saurez tirer quelque avantage de mes histoires, parce que lorsqu'on vous en raconte une, vous l'étalez sur 10 assiettes à la fois. Alors, prenez un peu patience. Je vais toutes vous les raconter, les unes après les autres. Je commençais par Yel, mon aîné. Le tsar l'a mobilisé et l'a obligé à tirer avec un fusil. Alors, mon Yel, il a fait feu d'une telle façon que si les Ruskis avaient tiré comme ça, eh bien, tous leurs tsars, leurs généraux et leurs maréchaux auraient fait meilleure figure face à l'Allemand. Mais je vois que vous êtes fatigué et que vous voulez vous prendre un peu sur le pont. Allez-y, nous avons tout le temps d'ici New York.